ne fais pas dans la bêtise. Rap jeu, c'est nous les vrais geeks. Ramène ma part du cake. Yeah, yeah. Y'a bénéfice, on ravesti. Tu t'es vendu pour un yepi. Pas le temps de t'éduquer, yeah. Ta putain me fait du pied, yeah. Tous les jours on fait le blé. Tous mes goons sont levés. Pour la course, on est prêt à fond, j'y vais, yeah. Y'a un clit à biper, yeah. Pour ta con, c'est ripé. Sur la route, c'est risqué. Surtout si t'es pisté, yeah. Tu voudrais la Big G, yeah. Oui, mais rien de compatible. La parle rap en tant que fils d'immigré, yeah. Pour ça qu'on bouge vite dans Paname, boy. Hey, les crackers se bousillent, n'ont pas d'âme, boy. Hey. Toute valeur est plein de soucis sans la main. Ma salope la plus jolie, ya. Yonzon et Lenina peuvent être Asiat ou Epony, ya. Souvent pas très jolie, j'aime le Xanax et la Molly, ya. GTA sur PS2 et Final Fantasy, ya. Ma famille d'entière, les gens ils sont fans. Ils seront jamais fanés comme la chatte en fleur de mon ex-femme. Sarah va demander de la maille si ça part comme on rêve, sa nouvelle AF. T'es pas sur le cheval de toi, non toi t'es juste la seule. Ha, t'as plus de monter sur la scène, elle connaît pas les sons, elle veut juste qu'on la boit. Salope aime chanter, ça part fait de la place pour que je pogote. C'est mieux tu gigotes sur la son de chicha, hey. Yo, la radio s'est pété comme le cul d'un PD qui aime trop Madonna. Nous on ça va vite, on dirait qu'on est précoce. Déchire ses sables comme si j'arrachais les corps. Repeins les décors, ça sur toutes les lieux sur les posters de mon école, wow. J'suis sur les appuis, si tu vaux pas un clou. Et on fera un tour. Et j'suis déter, j'suis comme partout. Pas embarrassé, j'suis débarrassé. Après l'avoir, pas plus partout. Faut qu'un dicton, et on pique pas ton stuff de merde. Y'a plus d'artistes mais c'est des rappeurs. Pas chauffeur, acteur. Les chauffeurs, avant moi et pour mon équipe, on est beaucoup. On va taper ta tête, ça fait deux tours à l'aise. N'en fais pas comme nous, fumer 50 boules, on déstresse. On fait 400 coups, ouais, là j'y sors un coup. Peux pas me classer, moi j'apparais pas, je vais pas taper. Parle-moi, moi je vais pas parler d'armes, ouais. Nina passe me frôle, elle fait extrait, elle connaît tout mon clan, elle peut baquer tous les extraits. Lobby comme les Suisses, nous on fait ça de manière extrême. Nina je la baisse sans sentiment comme dans une sextape. Ramène pas ma tête, je suis solide, j'ai les couilles. Il prend la tour parce qu'on se voit là et prend qu'à chaque. Déjà mes clips c'était acté, j'y travaille tous les jours. Je fais des clips dans ma cour, tu mets les moyens, mais t'es claqué. Va la ferme là, on va dans le là. Ça le fait pas le lit, c'est quoi pour qui donne le là. Va la ferme là, on va dans le là. Ça le fait pas le lit, c'est quoi pour qui donne le là. Négro, je suis pressé comme bâtisseur d'Égypte antique. Y'a entre toi et moi, négro, y'a rien d'identique. Je suis en ville et je coupe le bif. Quand je suis dans le hitch, ils sont pile. Moi, je ne tisse ma toile, je fais de fil en fil. Y'a Parker style, pas possible. Je tape pas plaque aussi, je suis pas docile. Comme porteur noir de l'Amazonie. Y'a le rap de merde, il faudrait abolir. Y'a, je suis dans la tache chaude comme la camomille. Y'a, il me faut de la ligne, il me faut Caroline. Y'a. Ça sort du four comme un Napoli, yeah. On gifle la bouche si t'es mal poli, yeah. Ils font des dépositions anonymes, yeah.